Le racisme, ce terme immonde qui inonde le monde de mauvaises ondes. Celui-ci sévit depuis des décennies. Tout était déjà dit, tout était déjà écrit. Depuis jadis, on entendait déjà les cris. Mais tant pis, laissez-moi m'exprimer. Je refuse de me conforter conformément à cette mentalité. Je suis pas arabe et je suis pas noir. Je suis pas mexicain, j'habite pas la Côte d'Ivoire. Mais au fond de mon être persiste une lueur d'espoir. Je suis né et réside en France. Je suis pas patriote et j'estime avoir de la chance. Avec beaucoup de recul, je partage ta souffrance. Mon histoire débute en Pologne, lors de la Deuxième Guerre mondiale. Adolf Hitler cogne, mon arrivée était fatale. Un peuple arraché à ses racines. Les cris et les pleurs que les enfants dessinent. Les familles entières qu'on assassine. J'ignore tout de son passé. J'ai juste que ma grand-mère fut emportée, déportée puis déportée. Dans son malheur, elle rencontre l'homme de sa vie. De là mon père naquit, enfin aujourd'hui je suis ici à compter l'origine de mon arrivée dans ce pays. Et si les gens me respectent, c'est dû à mon tympane. Ils ignorent que mes yeux ont vu le jour, engrainés par le mal. Car je suis un produit génétique fabriqué par les atrocités de l'homme. Le passé de mes ancêtres me rappelle chaque jour que je suis classé hors norme, hors norme. Mis à peu près dans toutes les races. J'ai connu plus de personnes vivent dans la crasse que dans le palace. Multiracial est notre société. En vérité, c'est la France qui s'est jamais intégrée. Elle a fait travailler, exploiter les étrangers, puis les a dénigrés. J'habite à Nantes, la ville qui a participé à l'arrivée des négriers. Le racisme engendre le fascisme. Je n'aime pas les blancs qui haïssent les noirs. Et je n'aime pas les noirs qui haïssent les blancs. Le fascisme est qu'un ignare qui refuse de voir les vérités d'histoire. Celles qui ont laissé mille blessures dans nos mémoires. Quand je vois tous ces peuples se massacrer par la faute des conflits religieux, je m'aperçois que c'est à cause ou grâce à eux que je ne crois en aucun dieu. J'ai l'âme spirituelle mais je ne crois pas aux cieux, au ciel. Car si on ouvrait les cieux, on verrait que la terre est si belle et qu'elle est mère de l'éternelle et merveille, merveille. Prêts à prendre les armes, ils sont tous prêts à faire couler les larmes. Au nom d'un drapeau, d'une religion, d'une patrie. Toutes vos idéologies m'ont meurtri, c'est pourquoi je les renie. Mon sang ne coulera pas pour les couleurs d'un pays. Le racisme est né par l'ignorance, le manque de savoir, le manque de culture. Les fous étaient là dans le passé, le présent ils seront là dans le futur. Amalgame entre musulmans et terroristes. Tellement de bêtises humaines inscrites sur ma liste. Ma plume triste décrit une vision réaliste. Rien d'autre à dire, rien d'autre à savoir. Historiquement parlant, on vient tous de l'Afrique noire. Le reste est qu'une immense escroquerie. Saddam, Bush, Berlusconi. Ivoirien, italien, clandestin, chrétien, saoudien, cambodgien, kabyle ou ricain. Tous ont le point commun d'avoir leurs racines sur le continent africain. Et si ce texte peut t'ouvrir les yeux, moi je dis tant mieux, mais sache que je n'attends pas un miracle puisque, je répète, je ne crois pas en Dieu. Je crois aux valeurs humaines s'il en reste. Je crois en la nature, aux éléments et puis au reste.